Chapitre 31e, la confession de Harry Clavering. Harry Clavering, au sortir de Hounslow Crescent, après son entrevue avec Cecil Burton, eut vraiment fait pitié. Il avait dit la vérité sur lui-même autant qu'il lui était possible de la dire à une femme pour qui il avait une haute estime, et après cet aveu, il était bien convaincu qu'elle ne pouvait plus avoir aucune estime pour lui. Il lui avait montré à nu toutes ses faiblesses, et au premier moment, elle lui avait témoigné du mépris. Plus tard, il est vrai, elle était revenue sur ce premier mouvement, dans l'espoir d'épargner tant à lui qu'à Florence un avenir de douleur. Elle avait pour cela fait les derniers efforts, et était allée jusqu'à le supplier humblement en faveur de Florence, pensant que c'était là le meilleur moyen de réussir. Mais malgré cela, il sentait qu'elle devait le mépriser. Après avoir promis sa main à une femme qu'il prétendait toujours aimer tendrement, il s'était laissé décevoir jusqu'à faire la même offre à une autre femme. Décevoir par lui-même, car il avait été le seul coupable. Julie, en lui faisant voir toute son affection, s'adressait à un homme qu'elle croyait libre. Son intention à lui avait d'abord été droite. Il ne s'était pas laissé éblouir par la fortune que cette femme jetait à ses pieds. Mais en dépit de ses résolutions, sa faiblesse l'avait entraîné. Il n'y a guère de jeune homme possédant une bonne moyenne de talent et d'instruction qui de bonne heure ne se soit tracé, avec plus ou moins de précision, un plan de vie à tendance élevée et à nobles aspirations. Plus tard, il y compare tristement sa vie, telle que les circonstances ou ses propres fautes la lui ont faite. Ce n'est pas dans ses premiers projets, peut-être, il se soit proposé une somme donnée de succès à atteindre, ni même la route qu'il doit suivre plus ou moins heureusement. Ce qu'il s'est proposé, ce sont certains vices à éviter, certaines vertus à acquérir. Peu de jeunes gens s'étaient fait à cet égard un programme aussi nettement arrêté que Harry Clavering, et puis aussi l'avaient fait avec plus de confiance en eux-mêmes. Ses premiers pas dans la vie avaient été heureux et l'habitude du succès l'avait affranchi non seulement de la tutelle de son père, mais même de toute intervention de la part de celui-ci. Ce semblait chose reçue, qu'il valait mieux que son père, mieux que tout autre des Clavering. On le regardait comme devant être la perle de la race, le Clavering que dans quelques années tous les membres de la famille considéreraient, sinon comme leur chef actuel, du moins comme leur illustration et leur meilleur appui. Il s'était juré à lui-même qu'il serait un honnête homme, un homme loyal, laborieux, non avide d'argent, mais convaincu que le travailleur a droit à son salaire et que le salaire doit être proportionné au travail. Au milieu de ses aspirations, il avait achoppé à une pierre, à la perfidie d'une femme, mais il croyait, non sans quelque orgueil, avoir bravement soutenu le choc, comme un homme le doit faire des coups qui le frappent. Aujourd'hui, après toutes ses résolutions et ses beaux témoignages qu'il se rendait, il se trouvait, par sa propre faiblesse, réduit à n'oser regarder en face aucun de ses amis les plus chers et les plus intimes. Il se disait tout cela lui-même sans ménagement. Il comparait impitoyablement l'homme qu'il avait prétendu être et celui qu'il était réellement. Il n'essayait pas de s'excuser. On nous recommande d'aimer autrui comme nous nous aimons nous-mêmes, et ce commandement n'est pas facile à mettre en œuvre. Mais je crois pouvoir dire que jamais nous ne haïssons autrui, ne méprisons autrui, comme dans certains moments nous sommes forcés par notre conscience de nous haïr et nous mépriser. Harry, en rentrant chez lui ce soir-là, éprouvait un véritable dégoût de sa conduite. Il se serait volontiers cogné la tête contre les murs ou jeté sous les roues d'un wagon de chemin de fer, tant il se sentait honteux de sa conduite. Ce soir-là même, il s'était esquivé piteusement de Hounslow Crescent sans avoir déclaré aucune résolution. Le matin, il en avait fait autant avec Burton. Combien de temps cela pouvait-il durer, et la vie était-elle supportable de cette façon? En quittant Cécile, en promettant de lui écrire et de revenir la voir dans quelques jours, il avait une vague pensée de s'en rapporter à l'arbitrage de Lady Ongar. De toute façon, il devait la voir, et décider avec elle de ce qui serait leur sort à tous deux. Ce n'était qu'après qu'il pensait faire connaître à Hounslow Crescent son choix définitif. Sa dernière promesse avait été faite à Julie, il fallait qu'elle l'en dégageât avant qu'il pût revenir à Florence. Ce qu'on peut dire en sa faveur, c'est que dans toutes ces fluctuations d'esprit, la vanité personnelle n'entrait que pour une faible part. Il avait ressenti cette vanité la première fois qu'à Clavering, Julie Brabazon, la noble, la belle Julie, lui avait avoué son amour pour lui. Mais cette vanité avait été bien vite rabattue. On ne peut guère être fier d'une conquête qui n'aboutit qu'à une déception. Depuis lors, il n'y avait pas eu matière à vanité. Il avait aimé Florence ouvertement, honnêtement. Il trouvait sa satisfaction dans cet amour, mais elle ne pouvait se vanter de son succès à Stratton comme d'un grand triomphe. Et quand il découvrit que Lady Ongar, devenue veuve, l'aimait encore, que cette femme qui l'avait offensée était prête à se donner à lui, la douleur, le regret étaient trop poignants pour laisser place à la vanité. Autant qu'il pouvait juger de son cœur, c'était Julie qu'il aimait le plus, et avec cela, il n'en était pas moins au regret qu'elle fût revenue d'Italie, ou que le hasard les eût rapprochés. Il avait promis d'écrire et voulu le faire dès le soir même. Il n'avait point fait connaître à Cécile sa détermination, faute de la connaître lui-même. Mais avant de se coucher, il voulait avoir pris son parti et l'avoir déclaré. Aussi, à peine rentré, il se mit à sa table à écrire, ayant son papier devant lui et sa plume à la main. À la fin, les mots arrivèrent. Je ne puis dire s'ils étaient l'expression d'une résolution prise avant de commencer à écrire, ou si la résolution lui vint à mesure qu'il écrivait, la plume donnant plus de fixité à ses idées que lorsqu'il les abandonnait à elle-même. Il était resté une heure assis, indécis, cherchant à se donner une volonté sans y parvenir, et la première phrase écrite, le reste vint tout seul. Voici sa lettre. Bloomsbury Square, mai 1860 et quelques. Très chère Mrs. Burton, je vous ai dit que je vous écrirai demain, et voilà que je vous écris ce soir en rentrant chez moi. Quoi que vous puissiez penser de moi, soyez assurés que toute mon anxiété est de vous faire connaître et comprendre ma position aussi bien que moi-même je la comprends. J'ai voulu vous l'expliquer ce soir, mais je ne crois pas y avoir réussi. Et après l'arrivée de M. Burton, il ne m'a plus été possible de parler. Je sais que je me suis très mal conduit envers votre sœur. Très mal, quand bien même elle ne devrait jamais être informée de ma conduite. Chose impossible, car si demain je l'épousais, je lui dirais tout auparavant. Mais quelque coupable que je paraisse à vos yeux, je n'ai jamais eu l'intention préméditée de la tromper. Vous savez, je crois, en quels termes j'étais avec Miss Barbazon avant son mariage, et quand elle se maria, quels que puissent être mes sentiments, je n'avais aucun reproche à me faire. Vous savez aussi tout ce qui s'est passé entre Florence et moi, jusqu'au retour de Lady Ongar, devenue veuve. Jusqu'alors, il n'y avait rien que je ne puisse avouer. J'avais parlé à Florence de mon premier attachement, et je crois qu'elle ne s'en était guère préoccupée. Ces choses-là sont si ordinaires chez les hommes. Je ne suis pas le seul qui est ainsi changé, et souvent le second amour d'un homme est plus fort et plus digne d'être accepté que le premier. En tout cas, Florence le savait, et il n'y avait plus à s'en occuper. Vous vous rappelez aussi mon anxiété pour éviter tout retard à notre mariage. Nul ne le sait mieux que vous, pas même Florence, car c'est à vous que je m'adressais pour demander aide contre les délais qu'elle m'imposait. Je ne blâme pas ma bien-aimée Florence. Elle a fait ce qui lui semblait le mieux. Mais que ne se laissait-elle guider par vos conseils? Sur ces entrefaites, Lady Ongar revint après la mort de son mari. « Chère Mrs. Burton, je sais que vous avez mauvaise opinion d'elle. Rappelez-vous pourtant qu'il n'en est à votre connaissance ni à la mienne aucun fait qu'on puisse lui reprocher. Depuis son mariage, elle n'a rien fait de mal, n'a jamais été fausse. Quant à sa précédente conduite envers moi, elle a fait ce qu'aucune femme ne devrait faire, mais ce que beaucoup ont fait. Est-ce à moi de la blâmer, sachant qu'elle a été ensuite ma faiblesse? Mais quant à sa conduite depuis son mariage, je vous supplie de croire qu'on a eu beaucoup et de très grands torts envers elle, mais qu'elle n'en a eu aucun. J'eus occasion de la rencontrer. C'était naturel puisque nous sommes alliés. Mais j'eus la sottise, naturelle ou non, de retourner souvent chez elle. Je croyais qu'elle était au fait de mon engagement puisque sa sœur le connaissait et avait vu Florence. Mais Lady Ongar n'en savait rien, et n'ayant auprès d'elle personne qu'elle pût aimer, pas un ami presque, si ce n'est moi, indignement traité par le monde et par sa propre famille, croyant enfin avoir, par sa fortune, le moyen de réparer une vieille offense, elle... Chère Mrs. Burton, je crois que vous me comprenez maintenant, et conviendrez qu'elle au moins n'est pas à blâmer. Ce que je dis n'est pas pour me défendre. Sans doute, Tout cela eût dû être sans effet sur moi. Mais je l'avais tant aimé. Je l'aimais tant encore. Un tel amour ne meurt pas. Quand elle m'avait repoussé, il était tout simple que je cherchasse quelque autre personne à aimer. Quand elle revint à moi, quand je découvris qu'en dépit de son manque de foi, elle n'avait pas cessé de m'aimer, alors je cédai et devins traître et parjure. Je dis que je l'aime encore, mais je sais bien que des deux, Florence est la plus digne. Ce qu'elle a fait, Florence ne l'eût jamais fait. De nature, d'âme, de cœur, de talents acquis, Florence lui est très supérieure. L'homme qui épousera Florence sera heureux, autant qu'une femme peut rendre un homme heureux. De celle dont je vous parle maintenant, je sais bien qu'on en peut dire autant. Comment donc, me demanderez-vous, se peut-il faire que je sois assez fou, ayant le choix entre les deux, pour hésiter? Mais comment se fait-il que l'homme hésite entre le vice et la vertu, entre l'honneur et le déshonneur, entre le ciel et l'enfer? Mais que vous fait tout cela? Je ne sais si maintenant Florence voudrait de moi. Je n'ai nul droit de m'y attendre. Si je vous ai bien compris ce soir, elle ne sait rien encore. Que doit-elle penser de mon silence? Mais je ne pouvais lui écrire avec un esprit de fausseté, et comment lui dire tout ce que je viens de vous dire? Autant que je l'ai pu voir, vous désirez que notre engagement puisse tenir. Cher Mrs. Burton, que je vous aime à cause de ce désir. Monsieur Burton, quand il saura tout, sera, je le crains, d'un avis différent. Pour moi, je sens que je dois revoir Lady Ongar avant de retourner chez vous. Telle est la seule détermination à laquelle je me suis arrêté, et je me hâte de vous en faire part. Je crois qu'elle est partie sur l'île de Wight, mais je la verrai tout de suite après son retour, puis j'irai à Hounslow Crescent, ou bien j'écrirai. Florence sera alors auprès de vous, et vous avez toute permission de lui montrer ma lettre, si vous le jugez à propos. Votre très affectionné, Harry Clavering. Le lendemain matin, il remit lui-même la lettre à la porte de Mrs. Burton, prenant soin de n'y aller qu'après l'heure où Théodore Burton sortait pour se rendre à son bureau. Il laissa en même temps sa carte pour témoigner à Mrs. Burton, non seulement qu'il était venu lui-même, mais encore qu'il désirait qu'elle le sût. Puis il passa sa journée à errer de côté et d'autre et à se plonger dans son chagrin, comme le font les hommes de sa trempe, quand ils se sentent trop mécontents d'eux-mêmes. C'était le samedi, jour où Lady Ongar était revenue de l'île de Wight avec sa Sophie. Marie ne savait rien de ce retour prématuré. Aussi laissa-t-il passer la journée du dimanche sans se présenter dans Bolton Street. Le lundi matin, il lui arriva une lettre qui rendait nécessaire, ou du moins, lui fut croire nécessaire, sa présence à Clavering, ne fût-ce que pour 24 heures. Il envoyait donc à Mrs. Burton un billet portant qu'il était obligé de s'absenter, mais serait de retour le mercredi soir ou au plus tard le jeudi matin. Il offrait ses hommages à Florence, si Mrs. Burton croyait pouvoir s'en charger. Mrs. Burton savait quelle était la première chose qu'il eut à faire en revenant à Londres, et immédiatement après, elle pouvait compter sur sa visite à Hounslow Crescent, ou du moins sur une lettre. Cécile avait lu et relu, avant que son mari fût rentré, la lettre de Harry, la première, bien entendu, de manière à la savoir presque par cœur. Elle devinait bien que M. Burton jugeait très sévèrement Harry. Il lui pardonnait tout ce qui était faiblesse, le silence, l'absence du bureau, le manque d'égard envers Cécile, sur la simple confession de Harry. Mais il ne pouvait endurer de voir sa sœur rechercher, ou qu'on recherchât pour elle à son insu, la main d'un homme, incertain lui-même, s'il la voulait. Mrs. Burton n'avait pas de ces idées de fierté, et ne cherchait que le bien et le bonheur de Florence. Épargner à Florence les angoisses de se voir trompée et rejetée était le seul point pour Cécile. Sans doute, avait-elle dit à son mari, elle saura tout un jour. Harry n'est pas homme à garder le secret. Mais s'il ne l'apprend qu'après qu'il sera revenu à elle, le bonheur de la recouvrance sera un baume sur la plaie. Burton n'acquiesçait pas à cela. Ce n'est pas tout, disait-il, que la satisfaction présente. Si Harry est d'une déplorable faiblesse, au point de ne pas savoir ce qu'il veut, mieux vaudrait pour Florence un chagrin passager qu'un tel compagnon à vie. Cécile avait été passablement fidèle dans sa narration de ce qui s'était passé au premier étage, tandis que Burton l'attendait dans la salle à manger. Il n'y eut que deux petits incidents qu'elle négligea de raconter à son mari. Elle ne lui dit pas que dans le premier moment de colère, elle avait injurié Harry. et quelques instants après s'était agenouillé devant lui, demandant grâce pour Florence. « Je ne puis l'excuser, c'est absolument impossible. Si je sais ce que c'est que se conduire piteusement, déloyalement, comme un pleutre enfin en pareille matière, c'est ainsi que Harry s'est conduit. » Là-dessus, Burton prit sa bougie et alla sans travail, non pourtant sans que sa femme eût obtenu de lui la promesse de ne pas écrire à Stratton et de ne faire aucune autre démarche avant l'expiration du délai de 24 heures pour la lettre annoncée par Harry. La lettre vint avant que les 24 heures fussent écoulées, et le samedi, Burton, à son retour du bureau, se vit contraint de lire la confession de Harry et de prononcer son jugement. De quel droit ose-t-il parler de sa bien-aimée Florence quand il se reconnaît pour un misérable ? « Mais pourtant, s'il l'aime, » dit timidement la femme. « Niaiserie !» Mais ce mot-là dans une telle lettre est un nouvel outrage. Et comment savait-il de se faire le répondant de cette femme revenant d'Italie ? Que sait-il d'elle ? Sans doute ce qu'elle lui en aura dit ? C'est tout simplement un imbécile. Cependant, vous ne pouvez pas le condamner pour l'avoir cru sur parole. « Cécile, » dit-il, en éloignant la lettre de ses yeux, « vous êtes tellement aveuglé par votre affection pour Florence et votre crainte à voir rompre un mariage dont il a été question que vous refusez d'ouvrir les yeux sur le véritable caractère de cet homme. Pouvez-vous croire qu'il n'y a rien de bon chez un homme qui vous déclare carrément qu'il est engagé envers deux femmes à la fois ?»« Je crois que si, » dit Cécile d'une voix presque imperceptible, tant une pareille opinion lui semblait dangereuse à exprimer. « Et que penseriez-vous d'une femme qui en ferait autant ? Ah, c'est bien différent. Je ne saurais expliquer le pourquoi, mais vous comprenez bien la différence. Je sais très bien que vous passeriez tout à un homme et rien à une femme. » Elle se soumit en silence à ce reproche que, probablement, elle n'entendait pas pour la première fois. Il reprit la lecture de la lettre. « Il n'essaiera pas de se défendre. Et pourquoi donc ne pas se défendre quand j'entends un homme dire cela ? J'en conclus que c'est un pauvre air, sans ombre de ressort ou d'énergie. » Je ne crois pas que Harry en soit là. Sa lettre montre encore quelque énergie. Telle que je n'en voudrais pas voir dans un chien. Jamais un homme ne doit se trouver dans une position à ne savoir que dire pour sa défense. Vous souhaitez que son engagement puisse tenir. Moi, je ne le souhaite pas du tout. J'en suis fâché pour Florence. Elle aura un violent chagrin. Mais mieux vaut regretter un tel amoureux que s'empêtrer d'un tel mari. Vous feriez bien d'écrire à Florence pour l'empêcher de venir. Oh, Théodore, c'est mon avis. Mais il n'y a pas de poste d'ici à lundi, dit Cécile, cherchant à gagner du temps. Envoyez-lui une dépêche. Cela ne peut guère s'expliquer dans un télégramme. De plus, pour qu'elle l'empêche de venir, sa présence ne peut faire de mal. Si vous parliez de cela à votre mère, il deviendrait impossible que les choses tournent à sa bien. Les choses, c'est-à-dire cette chose-là, ne pourront jamais tourner à bien. Mais réfléchissons. Elle sera ici lundi, et si vous le jugez convenable, je lui dirai tout. D'ailleurs, comment ne pas le lui dire ? « Voudriez-vous que je la reçusse le sourire aux lèvres, de manière à lui faire croire que tout va bien ? Je serais bien fâché que vous en fussiez capable, mais en même temps, je pourrais lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas se hâter de rompre. Et moi, je lui ferais comprendre qu'elle n'a pas d'autre parti à prendre. Vous ne feriez pas cela, Théodore ? Je le ferais, si je croyais que ce fût mon devoir. Mais en tout cas, il faut qu'elle vienne, et nous en causerons demain. » Burton avait cédé quant à la venue de Florence, n'ayant rien à opposer à l'argument tiré du défaut de poste. Le dimanche, il fut très peu question de Harry Clavering. Cécile évitait soigneusement ce sujet, et Burton, quoi qu'il en dît, n'était pas encore assez décidé à jeter Harry à la mer pour être pressé de prononcer la décision. Cette décision, d'ailleurs, ne pouvait être que l'affaire de Florence elle-même. Le lundi matin, Cécile remporta une autre victoire. Ce jour-là, M. Burton avait toute sa journée prise. Il devait se trouver à une réunion d'entrepreneurs, d'inspecteurs, d'ingénieurs, appelé à décider lequel des passages à Londres, encore subsistants, devait être démoli le premier pour faire place au chemin de fer projeté. Il ne pouvait donc s'absenter de l'Adelphie. Ainsi, il fut convenu que Mrs. Burton irait attendre sa belle-sœur à la station de Paddington. Cela lui donnait l'occasion de parler la première à Florence et de la disposer suivant ses propres idées. « Nécessairement, il vous faudra lui parler de cet homme, » lui dit son mari, « mais moins vous en direz, mieux cela vaudra. » Après tout, c'est à elle à juger s'il ne faut pas l'influencer. En tout ce qui était affaire de tact, de rapport de société, de conduite d'homme à homme ou d'homme à femme, M. Burton avait le verbe très haut dans les discussions domestiques. Il se montrait fort éloquent et quelquefois fort raide, mais en définitive, il laissait toujours à sa femme le soin de tout arranger. Il lui donnait des leçons de stratégie dont sans doute elle faisait son profit, mais c'était elle qui combattait sur le champ de bataille.